Je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil, il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu saisis ? Bon, j'en étais où moi déjà ? Ça y est, je me jette à l'eau, ça y est, enfin ma langue se délie. Ça fait une décennie que j'attends que mon stylo reparte au galop. Je roule un petit custy pour l'inspi, oh, chez moi ça prend un court instant. J'ai des lèvres, maintenant je suis un stit. Ça fait longtemps que j'ai pas décrit une situation, en gros. Ça fait longtemps que j'ai rien écrit, pourtant j'en ai vécu des trucs. Ces derniers temps j'ai même dû être bref et cru envers ce qui me perd ces temps. Ouais c'est sérieux, j'ai passé l'âge de faire le gamin. J'ai pas noté un mot depuis deux mois, je crois que j'ai perdu la main. Le papier blanc pour un rappeur c'est le déclin. J'ai du mal à vider mon sac, pourtant il est plein, oh tu sais. Avant le verbe je le dominais, avant ça coulait de source. Mais qui a coupé mon robinet? Ouais je souffre, car je manque de création. J'arrive plus à mettre en marche le moteur de ma passion. Ma feuille est blanche, devant moi tout est noir. S'il vous plaît écoutez-moi, je suis tombé dans un trou de mémoire. Au rendez-vous du soir, elle venait toujours à l'heure. À croire que mon inspiration est allée voir ailleurs. Ma feuille est blanche, devant moi tout est noir. S'il vous plaît écoutez-moi, je suis tombé dans un trou de mémoire. Au rendez-vous du soir, elle venait toujours à l'heure. À croire que mon inspiration est allée voir ailleurs. Comme tous les soirs, je me dis putain vas-y accouche. Mais rien, pas un mot qui sortait de ma bouche. Touche du bois pour que ça change, sachant que je l'ai déjà fait dans ma chambre. Quoi ? Écrire des nuits entières, mais les théories et pratiques. Et c'était la voisine qui m'arrêtait, pas la fatigue. Je faisais beaucoup de bruit pour un simple citoyen, mais le fouteur de troubles a perdu tous ses moyens. J'arrive plus à poser ma voix sur un sample, à préparer, découper les pensées qui ont un sens. Moi j'étais rapide et rarement j'étais lent, mais mon stylo s'est arrêté, ouais et là je t'élance. Ma feuille est blanche, devant moi tout est noir. S'il vous plaît écoutez-moi, je suis tombé dans un trou de mémoire. Au rendez-vous du soir, elle venait toujours à l'heure. À croire que mon inspiration est allée voir ailleurs. Ma feuille est blanche, devant moi tout est noir. S'il vous plaît écoutez-moi, je suis tombé dans un trou de mémoire. Au rendez-vous du soir, elle venait toujours à l'heure. À croire que mon inspiration est allée voir ailleurs. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense à décrocher, à retirer toutes mes billes, à mettre une croix sur mes projets. Alourdi de tracas, je suis à deux doigts de craquer. Ça ferait plaisir à mes ennemis si j'arrêtais de rapper. Alors faut que je me remette à écrire. Et si c'est une maladie, au plus vite faut que je trouve le remède. Non, je m'arrêterai pas là. Non, chez moi y'a pas de salade. Vite fait, il faut que je passe à l'acte. Gardez vos conseils quand juste de mes consonnes. Mes voyelles ont de la peine et moi je les console. Avec mon crayon, toujours débrouillard. Fini le trou noir, y'a plus de brouillard dans mon brouillon. Et je me jette à l'eau. Ça y est, enfin ma langue se délie. Ça fait une décennie que j'attends que mon stylo reparte au galop. Je roule un petit custy pour l'inspi. Oh, chez moi ça prend un court instant. J'étais élève, maintenant je suis un style. Ça fait longtemps que j'ai pas décrit une situation. En gros, ça fait longtemps que j'ai rien écrit.